aveugle qui jouait sur son violon. Le regard dans les nuages, un sourire sur le visage, il jouait tout son cœur, nous reprenions. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tous les enfants du village, tous les enfants du village étaient là autour de lui, le regardant. Sous ses doigts des célébresses, la chaleur d'une caresse. Sous ses doigts naissait la pluie et le beau temps. Qui s'était levé tout droit jusque au ciel. Dans nos yeux brillaient des larmes et dans nos cœurs une flamme qui riait de tous les feux de l'arc-en-ciel. Vieil aveugle.